بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن والاه أما بعد طيب ندخل مباشرة في الدرس إن شاء الله بعنوان في المسجد افتح الكتاب للوحدة السابعة الدرس الرابع وعشرون والكتريم أين تصلي تصلي فس المضارع صلى يصلي المحذوف صلاة صلى يصلي صلاة صلاة ألف لام نعم الصلاة الصلاة فرصلت. طيب الكلمات الجديدة وحده أبدير lui tout seul. Quand tu dis وحدك c'est toi tout seul. وحدي c'est moi tout seul. Avec le domir que tu mets derrière, on voit qui tu vises. Juz'un c'est une parcelle, une partie. Juz'un une partie, une parcelle. Ça peut être un morceau aussi. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète. Ma'alouf. Jama'a, groupe. Jama'a, groupe. Wa alaykoum. Amana yu'minu, c'est croire. Amana yu'minu, c'est croire. Et l'isme fa'il, mu'min. Vous voyez, il vient de là. L'isme fa'il, c'est mu'min. Masajid, ma'louf, jam, masjid. Da'a, yad'u, invoqué. Quand ici, il donne du ma'na, appeler, ça peut aussi avoir le sens de appeler ou inviter. Sallayu salli, on l'a dit auparavant, fala salat. Entre parenthèses, sallallahu alayhi wa sallam. Et tambir, salatullah ala nabihi, quand Allah il fait la salle sur le nabi, c'est les éloges. Bimana athana. Bimana athana. Allah, elle n'a hiya, elle va venir dans le texte, c'est un la qui a pour sens l'interdiction. Qui a pour sens d'interdire une chose. Et c'est un harf jazm. Donc le fi'l qui vient derrière, les majzoum, le ra'oun, soukoun, pour ce qui remplace. C'est comme ça qu'on différencie entre l'el nahiya et l'el nafiya. C'est avec la harakat qui est à la fin du verbe. Celle-là, elle a un travail sur le verbe. Vous voyez, elle a un travail sur le verbe. Vous voyez, ben nos, annana Muhammad wa Abdullah. Ikra Muhammadan anta wa anta Abdullah. أنت محمد قال نبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين وعشرين جزءا. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que la salat en groupe est meilleure que la salat de l'un d'entre vous, tout seul, de 25 degrés. Ou 25 parties, on va dire. Ça, c'est un hadith d'Abi Huraira qui est venu. Et bien sûr, là, ce hadith, à la base, concerne celui qui fait salat chez lui tout seul avec une excuse. C'est pas genre, ouais, je fais salat tout seul, et si je fais en groupe, c'est mieux. Non, salat tout seul, quand t'as pas d'excuse, c'est interdit. Ouais. Et, parmi le kabaï, t'es obligé de faire salat en groupe. Et elle n'est pas acceptée? Il y a Cheikh Sam dit ça, mais l'authentique, c'est qu'elle a accepté. Ah. Elle a accepté. Seulement, tu commets un grand péché. Et sauf Saint Ashabahou bin Nissa. Il dit le Shayahya. Il a fait un tambi là-dessus que faire la salle tout seul à la maison, sinon, seulement, c'est avec la femme. Parce qu'à la base, c'est la femme qui fait la salat à la maison. Et l'homme, lui, est obligé d'aller à la jama'a. Et parmi les preuves de l'obligation, c'est que le prophète Mohammed, il a dit, j'étais sur le point de mettre quelqu'un à ma place pour prendre le poste de l'imama et qui mène la salat pour les gens. Et moi, je vais chercher avec un groupe d'hommes des fagots de bois pour brûler les maisons sur ceux qui prient chez eux, faire salat chez eux. Vous voyez ? Donc ça prouve quoi ? Que celui qui salat chez lui et qui n'a pas d'excuse, c'est un grand péché. À tel point que le prophète Salam était prêt à brûler lui et sa maison. Ça, c'était les savants religieux. C'était peut-être avant. Brûler lui et sa maison ? Ah ouais. Attends, ça, les savants disent ça. C'était avant qu'il y ait l'interdiction de brûler. Parmi les interprétations du hadith, il y en a dit ça. Donc c'est pour dire que c'est pas simple, c'est pas rien. Celui qui s'arrête à la maison sans excuse. Moi, j'ai une question. Mais c'est pas forcément Zid, c'est Jamara. Si tu n'as pas de mosquée, mais tu as un groupe de frères, vous pouvez être ensemble à Salat. Maintenant, en France, vu qu'il y a les gens, ils travaillent. Et ça, c'est pas une excuse pour la Salat. C'est-à-dire ça, le fait que tu l'as fait chez toi à cause du travail. Là, le travail que tu as, il devient haram pour toi. S'il t'empêche de faire Salat en Jamara, du fait qu'il y a une Jamara, je parle, hein, il y a une Jamara qui est présente. Et tu ne l'as fait pas à cause du travail, le travail, tu n'as pas le droit de le faire. Maintenant, c'est un travail que tu n'as personne, mais loin de tout le monde, ça, c'est autre chose. Tu vois, c'est un travail qui est loin, il n'y a pas de nosy à côté, il n'y a pas de frère. Et je déconseille fortement un frère de faire un travail là où il n'y a pas de frère, parce que bah, tout ça avec le koufar, il va en prendre un coup. Mais le os, s'il y a une jamara ou il y a un nosy à côté, ou du coup, il est obligé d'y assister. Maintenant, s'il ne peut pas, il ne faut pas qu'il fasse ce travail. Le travail n'est pas permis à ce moment-là. C'est-à-dire s'il a fait tout seul dans son entreprise, là. Et qu'il a la possibilité de faire un jamara. Ah, s'il a la possibilité. Allez, ouais. Donc il dit le meilleur, Al-Afdol, c'est le meilleur. Even an nusalliya jama'atan fil masjid. Donc le meilleur est que nous fassions un salat en groupe au masjid. Et ça c'est même Afdol, c'est wajib. C'est plus que Afdol, c'est wajib. Non. Pour celui qui a un masjid, bien sûr, pas chez lui. Sur l'image, là, c'est pas les bons exemples qu'il doit donner. Non, sûrement pas. Inch'Allah, on dit qu'il fait de nafi là. Aïe. Hein? On trouve une excuse. Ouais, il donne là, ça voudrait dire quoi? Donc. Donc. Non. Des fois, c'est alors, non? Des fois, ça peut être alors. Moi, ouais, ça dépend de hein. Alors. Mais là, on peut dire les deux. Donc ou alors. De toute façon, les deux se ressemblent maintenant, forfait. Ouais. Awalan istami ou raddid. Et tu solli fi ghulfatik, si tu as salat dans ta chambre. Donc là c'est anta. Et tu solli fi ghulfatiki. Donc là, on parle à une femme. Est-ce que tu fais la salat dans ta ghulfa? Regardez là un truc qui va arriver par rapport à après. À la base du verbe, solli ou solli. C'est le côté qui écrit bien celui-là. Vous voyez, le fallu. Le yé fait partie du verbe. Maintenant, quand on va accrocher un damir, comme là, le yé mouanas al mouhatab, ou au jama'a, et bien le secret là, le yé il tombe. Par exemple, tu vas dire hum. Le falloun. Le yé, il tombe. Pourquoi? On va avoir un ya et un waou. Les deux, ils sont sakin. Donc on enlève celui du verbe. Parce que celui-là, c'est un dami, on ne peut pas enlever. Donc je dis, il faut le loun. C'est celui qui, en fait, qui rapporte voilà. Pour ça qu'on sache. Pareil, avec un titou solin, on se trouvait quoi? Avec deux ya. Le ya du verbe, celui-ci. Et le yel mouhatab, celui-ci c'est un domir. Celui-ci c'est pour la femme ça. Ouais, donc on fait quoi? On enlève l'un des deux, on enlève celui du fer. Et le domir il reste. Ça c'est pour tous les verbes qui finissent avec hafa'illah, ou un ya, ou un waou, ou autre. Quand ils vont être contraints à se retrouver attachés à un domir comme le yel mouhatab, ou le waou jama'a, eh bien la lettre du verbe c'est elle qu'on enlève. Pour pas que deux lettres sakin se rencontrent. Par contre, avec le. Comment ça va venir là? Avec le Alif el-Isnayn, il reste. Avec le Alif el-Isnayn, comme ça va venir, il reste. C'est pour ça qu'on dit être solide, il y a un seul ya. Et ce ya là, celui-là, c'est le ya mouanas mukhataba, c'est damir celui-là. Et le ya du verbe, on l'a enlevé. Falifan. Et tout seul, yani, fait roule fatikouma. Celui-là, j'en ai fait les snails. Alhamdulillah, lakoum. Donc là, celui-là, le ya là, le alif afon, on peut le mettre. Le alif, on peut le mettre. Et on met une fatha sur le ya. Donc tu dis, qu'est-ce que tu as dit ? Atu sol yani. Vous voyez ? Donc là, le ya ne tombe pas. Juste pour rajouter le alif. C'est tout. Et on met une fatha. Atu sol yani, fi rul fatikouma. Ça, c'est spécifique au alif. Non, il peut suivre celui-là. Donc est-ce que vous faites la salade tous les deux dans votre chambre ? Rabian. Atu sol luna fi rul fatikoum. Faites-vous la salade dans votre rulfa. Donc là, comme on a dit, le ya on l'a enlevé. Le ya on l'a enlevé. À cause du waw jama'a. On dit est tout seul, on ne dit pas tout seul yun. Khamisan, est tout seul lina fi rulfatikunna. Donc attention là, le ya, c'est le ya du verbe. Et le nun qui est à côté, c'est nun niswa. Damir muttasil. Est-ce que vous faites la salade, c'est-à-dire à des femmes, dans votre chambre ? Sadisan, ayusolli fi rulfatihi. Est-ce qu'il fait la salade dans sa rulfa ? Dans sa chambre ? Sabiran, ayusolli fi rulfatiha. Là, c'est hiya. Vous voyez ? Hiya. Faminan, ayusolliyani fi rulfatihima. Est-ce que tous les deux font la salade dans leur chambre ? Tasi'an, yusalluna fi rulfatihim, font-ils la salade dans leur rulfa? Ashiran, yusallina fi rulfatihinna, est-ce qu'elles font leur salade dans leur rulfa, dans leur chambre? La loun, c'est nous dit soir, Damir. Ashiran, ou hadi ashar, huma yusalliyan fi masjid, eux deux font la salade dans le masjid. Thani ashar, هم يصلون في المسجد يفعلون الصلاة في المسجد ثالث عشر هم وهن يصلين في المسجد أحيانا يفعلون الصلاة في المسجد de temps en temps أحيانا c'est parfois أحيانا c'est parfois c'est pas souvent لا souvent c'est غالبا أيوة أحيانا c'est des fois pourquoi est-ce que la salade au masjid pour la femme c'est pas obligatoire et la salade dans sa maison est bien meilleure pour elle. الثانية، هذا المضارع كنابي. طيب، هذا المضارع كنابي. يفعل صلاة يصلي. الآن يبغى يجي مع الماضي. passé. J'ai une question. Des fois, on me reprend quand j'ai de, on me reprend et on dit par exemple un verbe. Des verbes comme ça. Ouais, ou Alif ? Ouais, j'avais un livre là, le singe, puis j'ai lu des verbes sur cette forme. Et là, je les prends de là-bas, bizarre, on dirait, sur le bon. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Ils sont conjugués, peut-être. Les conjugués au passé, peut-être. Si, c'est celui qui est attaché au Jama'a, au Mandi Wanam. Ça, c'est le Moudal, il y a celui-là. Thanian, Istami ou Raddin. Écoute et répète. أنا صليت في المسجد. مش في صلاة من المسجد. نحن صلينا في المسجد. أنت صليت في المسجد. أنتما صليتما في المسجد. أنتم صليتم في المسجد. أنتن صليتن في المسجد. هو صلى في المسجد. هما صليا في المسجد. Donc là, on rajoute le alif al-isnaïn. Sallaya ou sallaya? Sallaya. Avec une fatra sur l'âme. Ta'asi'an. Huma, là c'est deux femmes. Sallayata fil masjid. Vous voyez, bel bintan. Pas c'est pour deux femmes. Ashiran. Hum. Sallu groupe, le masjid. C'est ça dont tu parles là ? Ouais, c'est ça. Oui. Le alif, comme le jama'a, tout seul, il vient toujours. Mais ça, c'est à l'écrit, ça. Ça ne prononce pas, bien sûr. Et là, pareil, pourquoi on n'a pas dit on a enlevé le ya ? Pour les mêmes raisons que le mudari. Vous voyez, pour les mêmes raisons. طيب حاجة عشرة هنا صلينا في المسجد على بس صلى كما نجي صلى et lorsqu'il s'attache à un damir le alif sans sa moya tu dis صليت طيب صليت ثالثا يقول استبدل كما في النموذج يقول أنا أصلي في المسجد. Ensuite, il veut mettre avec Damir Houa pour voir le salif masjid. Mala sahel. Toi, dans l'awel, Hiya. Hiya, tu salif masjid. Nam. Houma. Houma, Là, le Hiya, il reste. Yusallayan. Yusallina. أنت تصلين في المسجد. أنتما. أنتما يصل. لا. أنتما. سبايا. المخاطب. نعم. أنتما تصلين. لا. أنتما. تصلين. لا. تصلينا. تصلينا. لا. مش معقول. ولا بديو. جس رجعت عن ليفانون. Il n'y a rien à enlever, juste à rajouter. Aïwa. Soli yani. Pakat. Fil masjid. Antum. Antum. Tu soli yona fil masjid. Le ya, on ne met pas. Soli yona fil masjid. Naam. Nahnu. طيب. رابعا أخي التدريب السابق بوضع الفعل صلى موضع يصلي. On fait pareil là avec le mardi maintenant. تفضل. Le même, sauf que l'on fait صلى au mardi. لا عندك صليت صليت لا يرتقى ساكنين دونك بيان فيل نتر دونك كومون تدي صليت صليت ومغلب لو حديث سكو لو تاك يناير ساكن هي صليت في المسجد هما نعم هم صلوا في المسجد نعم هن هن صلينا نعم انت صليت في المسجد انت أنتما أنتما صليتما في المسجد نعم أنتم صليتم في المسجد نحن صلينا في المسجد خامسا cinquièmement املا الفراغات في الجمل الاتيه باختيال كلمات مناسبه مما يلي donc mettre les mots dans les trous dans les phrases suivantes وحدك c'est toi seul جزءا partie المساجد معروف يؤمن il croit النبي le prophète الجمل هي الاولى الحديث الشريف وما قاله فراغ صلى الله عليه وسلم donc le noble hadith c'est celui qui a dit le trou صلى الله عليه وسلم ثانيا الصلاة في الجماعة أفضل من صلاتك فراغ donc la salat en groupe est meilleure que ta salat mais dans le trou ثالثا وأن فراغ لله فلا تدعو مع الله أحدا et certes le trou pour Allah alors n'invoquer avec Allah personne Adam Malouf Rabi'an alladhi farah billahi yakul khayra celui qui trouve par Allah dit du bien ou en Allah plutôt dit du bien Khamisan Muhammadun yakra farah min al Qur'an kul sabah donc Muhammad lit le trou du Coran tous les matins ou chaque matin plutôt chaque matin non. ثم يقول اقرأ الآيتين ثم اكتبهما في كراستك donc lis les deux versets et écris-les dans ton cahier وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا et certes les mosquées sont à Allah ils n'invoquent avec Allah personne ça c'est le sens relatif à approcher وإنما يعمل مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر et juste se rendre ou plutôt on va dire vivre dans le sens de vivre c'est qui se rendent quoi dans les mosquées d'Allah celui qui croit en Allah et au jour dernier de là Cheikh Al-Fattah dit que le hadith qui dit que celui qui croyait qui vient au masjid alors témoigne de son iman que c'est un mu'min et le hadith est daif mais il a une origine c'est ce verset vous voyez l'origine c'est ce verset Donc, هذا الخامس اللي غادي ان شاء الله فقط ننتقل الى الدرس السادس او الخامس والعشرين بعنوان الى المسجد ومسجد الكلمات الجديده المؤذن المؤذن هو الذي يؤذن طيب ويكفي الاذان نادى ينادي ça c'est appelé et appeler quelqu'un au loin العصر معروف الصلاة الوسط الصلاة الوسطى استعد يستعد se préparer كبر يكبر تكبيرة الإحرام c'est le fait de dire الله أكبر يب كبر C'est le fait de dire Allahu Akbar. Et takbira, c'est l'expression en elle-même. Et takbira tu l'ihram, c'est celle qu'on dit lorsqu'on commence la salat. Le premier takbir, quand tu fais la salat, c'est seulement bi takbira tu l'ihram. Raka'a, ma'louf, ce qu'ils appellent unité de salat. Zanna, yadhunnu, c'est penser. Ou croire, mais dans le sens, yani comme penser, je crois qu'il est malade, avec un doute, quoi, en fait. Mathalan. Avunu annahu marid, je crois qu'il est malade ou je pense qu'il est malade. Mathalan. Ça, c'est le marlin d'origine, Taman. Sa'imun, c'est jeûneur. Ism fa'il, sa'imun, sa'imun, sa'imun, c'est celui qui jeûne. Iftar, c'est la rupture. Et je veux dire souvent la rupture du jeûne. Al-Iftar, c'est la rupture. Zahir, visiteur. C'est le ism fa'il de Zahir Yazuru. Daris, là c'est le sens de étudiant. C'est le ism fa'il de Darasa Yadrusu. Daris. Un peu mal à Talib. Rukur, c'est l'inclinaison. Par de la salat, quand tu penches ton buste en avant et tu mets tes mains sur tes genoux. Sujoud, ma'louf, prosternation. Rafa'a, yarfa'u, rafa'un, ça c'est levé. Levé. Ou élevé. Mais là, il veut seulement dire rafa'a ras, le fait de lever la tête, après le recours. Imamun, ma'louf. Mu'allimun, ma'na mudarrisun. طيب معلمون معنى مدرسون التشهد هذا معروف في الصلاة lorsque tu pointes le doigt et tu fais التحية لله إلى غير ذلك انتهى ينتهي فينيا معنى فينيا طيب انتهى ينتهي فينيا terminé. Et quand on veut dire à quelqu'un finis ça, tu utilises ce verbe. Tu veux dire akmil plutôt. Akmil. Al musalli, c'est le ism fa'il de salat yusalli. Donc c'est celui qui fait la salat. Ism fa'il. Julusun, adam masdar, jalasa, yajlisu. Donc. Le fait de s'asseoir. Waqafa yaqifu, c'est se tenir debout ou s'arrêter. Waqafa yaqifu, se tenir debout, s'arrêter. Et parmi el ta'birat, tout en bas, dans le jadwal, la ba'sa, pas de mal. La ba'sa, mana, pas de mal. À peu près. Après, il y a plus de foot, c'est arrêter. Ou se tenir debout ou arrêter. Ça dépend de la phrase. Tamam, al-an ma'na al-hiwar. Mohamed, Mazaltanta Mohamed ou Abdullah Nefso. Vous êtes les mêmes personnes, inshallah. Faddal, Mohamed. Alors ? Naam. اسمع المؤذن يناجي لصلاة العصر. Donc j'entends le muezzin appeler pour la salat du asr. إذن نستعد للصلاة. Dis donc, nous nous préparons pour la salat. Mais là, normalement c'est نستعد. Normalement c'est نستعد. Je ne sais pas pourquoi c'est نستعد. Inch'Allah. Ahmed, donc il dit attends-moi jusqu'à ce que je fasse au dos. La hatta, ça peut être le mandat jusqu'à ou afin. Vous voyez, genre attends-moi que je fasse le dos ou attends-moi afin que je fasse le dos. Abdullah, donc le hammam est à ta droite. Donc il dit j'ai fini de faire wudu, allez, on se rend au masjid. Là il n'y a pas écrit nazab, c'est sous-entendu, tu vois. Hayya le masjid, allez, au masjid maintenant. Donc tu vois, intahitu min wudu, j'ai fini de faire wudu. J'ai fini wudu. Abdullah, d'ailleurs. Asma'u l'imam. يكبر أظنه كبر تكبيرة الإحرام. Donc il dit j'entends l'imam faire le takbir. طيب اسمع الإمام يكبر أظنه je le pense, c'est-à-dire l'imam كبر تكبيرة الإحرام. Je pense qu'il a fait le takbir, طيب de l'Ihram, de celui de la rentrée en salat. لا المصلون في الجلوس تشاهد الأول. Donc il dit non, Les moussalloun, c'est-à-dire, ça c'est le djem de moussalli, moussalloun, ceux qui font la salat, sont dans l'assise du premier tachahoud. Idan intahat. Intahat. Idan intahat. Intahat yal raka'atu, raka'atu thani. Il dit alors, cela signifie que la deuxième raka'a vient de se terminer. Mohamed. Labas. Labas. نبدأ معهم من ركعة ثالثة ثم الثالثة الثالثة ثم نكمل الصلاة ثم نكمل صلاة أربع ركعات. Donc il dit pas de mal. On commence avec eux. Nabda c'est bada, c'est commencer. On commence avec eux depuis la troisième raka'a. Ensuite, on complète la salat avec quatre raka'a. طيب اولا استمع وردد لا وقل قول مضارع دو كبر يكبر المسلم يكبر للصلاة يكبر سيا رباعي كات لتر دونك كومونس بار يو هي الكسره برافو المسلم يكبر للصلاة دونك المسلم في التكبير يبدي على اكبر في الصلاه انا سيبا كبر عفوا c'est pas que Kabbara seulement l'exemple, on a d'autres. Al muallimu yudarrisu at talaba. Donc l'enseignant, Tayyib, enseigne, ou le professeur enseigne aux étudiants. Darrasa, c'est le fait d'enseigner, de donner un dars. Al muhandisu yarsumu al khalita. Donc l'ingénieur ou l'architecte dessine. Rasam yarsumu, c'est dessiner. Tayyib, dessiner. Al khalita, la carte. رابعا الموظف يعمل في الفندق l'employé travaille dans l'hôtel. خامسا المسافر يحجز للسفر donc le voyageur réserve pour le voyage. سادسا الصائم يتناول الافطار le jeûneur prend on va dire le repas de routine à la base. Ça c'est huwa. Là, en fait, le but, c'est de tasrif et de faire le mudari' bi huwa. Le fait de conjuguer un verbe mudari' avec huwa. Maintenant, on va faire la même chose avec huma. Al-muslimani yukabbirani lis-salah. Donc, les deux musulmans, vous voyez, font le takbir pour la salah. C'est le même verbe, la même phrase, sauf que là, maintenant, c'est avec huma. Et dans le verbe yukabbirani, un al-fa'il, c'est l'alif. Le fa'il c'est l'alif, c'est le premier. Thaniyan, al-mu'allimani yudarrisani al-talaba. Thalithan, al-muhandisani yarsumani al-khalita. Rabihan, al-muwazzafani ya'malani fil-funduq. Khamisan, al-musafirani yahjizani lil-safar. Sadisan, al-talibani. Non, c'est Saïman, ils avaient mis l'autre. Ça ? Ils sont trompés. Là, ils ont mis Taliban. At-Talibani, itana walani al-iftar. Thalithan, maintenant c'est avec whom ? Voyez, Wal Jama'a. Al-Muslimuna yukabbiruna lis-salah. Dans toutes ces phrases-là, c'est l'oum tala. C'est le domaine. Il est où? Ah, le Il est où? Le musulman, il kabbiru le salah. Il est où, Moutada? Moutada. Il n'y a aucune difficulté. Il n'y a pas de piège. Le musulman. Ah, il voit. C'est le premier nom qui vient au début de la phrase. Marfou. Et le khabar, Abdelrahman, le khabar, c'est Yukid Gurun, il y a le salat. C'est le jumel fi'aliyah, non. Le khabar, c'est le jumel fi'aliyah qui est en arrière. Dans une phrase verbale, moi je me souviens qu'il n'y avait pas de mutata de khabar. Je veux la phase verbale, là. Hein? Elle est où? Ben là, c'est une bonne. C'est une phase... Ah, ça dit, je me faire lire, elle dit. Ouais. Les muslimouna, le kabbirouna, les salas, je me la faire lire, là. C'est quoi, je me faire lire? Une phrase qui commence par un verbe. Il est où le verbe, là? Ben, il est après. C'est quoi, je me la smia? C'est quoi que tu as en premier, là? Ah non. Vous êtes là, ok. ثانيا المعلمون يدرسون الطلبة ثالثا المهندسون يرسمون الخريطة رابعا الموظفون يعملون في الفندق خامسا المسافرون يعجزون للسفر سادسا الكاتبون يتناولون الإفطار ما هو فتى فقط شو نجيل موش أفوا للا سيدم خاز كاتب سيدس مفعل بكل يام نعم رابعا من أصل هي المسلمة تكبر الصلاة أي هي المعلمة تدرس الطالبات ثالثا الموظفة تعمل في المستشفى رابعا المسافرة تحجز للسفر خامسا الطالبات تتناول الإفطار. Ensuite, c'est Huma au féminin. Vous voyez, Huma au féminin. Al-Muslimatani tukabbirani lissalah. Al-Muallimatani tudarrisani al-talibat. Al-Muwazzafatani ta'malani fil mustashfa. Al-Musafiratani ta'jizani lissafar. Al-talibatan tatanawalani al-iftar. Maintenant, c'est avec Wunna, moins 9, Jam. El muslima a tout, le kabbirna, les salats. Donc là, c'est avec Wunna, l'histoire. Ça, Thanian, el muallima a tout, le darbisna, el talibat. Thalithan, el muwazzafa a tout, y'amelna, fil mustachfa. Rabi'an, el musafira a tout, y'ajizna, khwen, il safar. Khamisan, الطالبات يتناولن الإفطار. Tiens, ils ont pas mis le muhandisa tarsumu la kharita. Donc c'est pas travail de femme alors. Ils n'ont pas mis parmi les femmes. Le muhandisa. À la base, si elle est à la maison, qu'il n'y a pas un ertilat, pas de balle. Ça va marquer de balle. Ça veut dire quoi qu'elle aura appris ça dans une école? Et généralement, les écoles d'architecture, c'est des hommes qui aiment beaucoup. Donc ça amène à l'ertilat. La dame y ajoute. En tout cas, ils n'ont pas mis l'exemple avec les femmes. C'est surprenant et c'est une bonne chose. Enfin, t'es mecs qui fassent d'autres choses quand dans le livre, comme Salam alaikum. طيب. سابعا يقول حول في النموذج. النموذج يقول الصائم يتناول الإفطار. Après, il faut le mettre en Moussanna. Al-Sa'imani et Tanawalani et l'Iftar. Taïb, je m'en oula. Andak. Al-Musafiru yarjioum ni rikhla. Le voyageur revient de voyage. Qu'est-ce que tu as dit? Al-Musafirani yarjiani ni rikhla. ثانيا المصلي يسجد لله celui qui fait la salat se prosterne pour Allah. المصلاني لا المصلياني نعم يسجدان لله نعم. ثالثا الموظف يعمل في مكتب البريد l'employé travaille à la poste. الموظفاني يعملان نعم في مكتب البريد نعم. رابعا الزائر يصل غدا. Donc le visiteur arrive demain. Inch'Allah. الزائران يصلان غدا. من ça vient de وصل. طيب. يصلان. نعم. خامسا الدارس يعرف الكتابة. L'étudiant connaît l'écriture. الدارسان يعرفان الكتابة. نعم. طيب. ثامنا حول كما في النموذج. Al-Mudarrisu yatanawalu al-iftar. Al-Mudarrisuna yatanawaluna al-iftar. Maintenant, on voit Jam. C'est la même phrase. Al-Musafiru yaji'u min al-rihla. نعم المسافرون يرجعون من الرحلة نعم فأني المصلي يسجد لله المصلون يسجدون لله نعم ثالثا الموظف يعمل في مكتب البريد الموظفون يعملون في المكتب البريد الدارس يعرف القراءة Là, c'est la lecture, c'est plus kitab. Aïe, Anam. Yazzaïr Awalen. Yassil Raden, Inch'Allah. Yazzaïruna Yassiluna Raden, Inch'Allah. Ad-Darisu Ya'lifu Al-Kira'a. Là, c'est plus kitab, c'est Kira'a. Ad-Darisuna Ya'lifuna Al-Kira'a. Non. Comme je dis, c'était simple, tu vois, c'est pas. Il y en a beaucoup, mais ils sont simples, Alhamdulillah. Ok. Tasi'an. Adib an asilatil atiya min al-hiwar. Donc, répond aux questions suivantes depuis le texte. Ala sayakun niradin. Sana kura al-asila, hatta takun wadiha lil-jamia. Awalan, man samia al-muazzan yunadi lil-salah. Qui a entendu le muazzin appeler à la salat? Thaniyan, min ayyati raka'atin bada Muhammadun wa Abdullah al-salah. Donc de quel raka'ah, à partir de quel raka'ah, Mohamed et Abdullah ont commencé la salat. Et là, Ayya, avec le Tamarbouta, c'est le même que Ayyi. Et merci. Thalithan, quel raka'atan, salat ou l'asr? Combien de raka'ah dans la salat du asr? Rabi'an, Ayyum al-awwal, lequel des deux est le premier? Un ruku' un sujoud, l'inclinaison ou la prosternation? Ben, Al-Sujoud, Al-Mujulous. La consternation ou l'assise? Tamam. Ashiran. Hawwil kama fi al-namudhaj. Al-Maridatu tatayammamu lis-salah. Al-Aqil mata musanna. Al-Maridatani tatayammamani. Al-Maridatani. Avan. Al-Maridatani. تطيممان للصلاة دونك لي دو مالاد فون تيمم بور الصلاة طيب المعلمات تركب الحافلة لونسيونت مونت دون لو بوس كيف تقول المعلمتان تركبان الحافلة نعم ثانيا الممرضة تساعد الطبيبة دونك ليد سونيونت او لافيرميير اد Le médecin, femme. Al-Mumaridatani tusaidani tabibata. Donc, le médecin femme soigne la malade. Femme. Également. Al-Tabibatani tu'alli. Et si on met le marida ou moufanna, qu'est-ce que tu as dit? Marida ou féminin? Ou moufanna? Maridataini. Rabi'an. Adarisatu tata'allamu al-lua al-arabiya. Donc l'étudiante apprend la langue arabe. Adarisatani tata'allamani al-lua al-arabiya. Naam. Khamisan. Azairatu tushahidu al-manazir. Donc la visiteuse contemple les paysages. Al-Mariidat tayammamna lis-salah. C'est la même phrase aussi. الأولى المعلمات تركب الحافلة. المعلمات جام فقط. المعلمات المعلمات تركب تركبنا الحافلة. كنت نعطي تركبنا يركبنا نعم المعلمات يركبنا الحافلة نعم. عندك الممرضات تو نعم يساعدنا المريض نعم المريضة ولايزم نا باتوا سيو لو ليفر لا سي فو كي سلا فون لا دي يوزون بيان في لا اي كومونس لا ميت لي زانفيرمير avec les malades hommes او تقول الله اي جي جو كومونسي لا شي با بيتي علي اون واجي ني سينير ادابتاسيون ان شاء الله لوتر ديسكوز بون ان ضروره سي سي فيزابل مي بون لا اون ايبوك ان ضروره تو اكزرسيس اي ابري دي شوز كوم يفو. ثالثا الطبيبات يعالجن المريضة نعم. رابعة الدارسة تتعلم الكتابة donc l'étudiante apprend l'écriture. الدارسة يتعلم الدارسات ايوه يتعلمن نعم يتعلمن الكتاب كتابة نعم. خامسا الزائرات تشاهد المناظر الزائرات يشاهدن المناظر نعم. طيب et là c'est quoi c'est la, ça c'est la conjugaison en fait là نعم pour apprendre à mettre de manière correspondant par rapport au Moutada. Fadi Achar, Akmil Kemafid Namouzaj, comme dans l'exemple. Ibrahim Yusolli Al-Asr. Entre parenthèses, il veut qu'on mette Fatima. Fatima Yusolli Al-Asr. Donc là, en fait, c'est que Yusolli, il faut mettre avec le Damir ou ce qui est entre parenthèses. أولاً فاطمة تصلي العصر نوفو الطالبان كيف تقول؟ الطالبان يصلين لا Tu rajoutes juste le yen nun, le alif et le nun afan. Yusolani. Là, tu restes le même verbe, tu rajoutes un alif et un nun. Yusoliani. Naam. Yusoliani al-Asr. Naam. Al-Bintani. Al-Bintani. Yusoliani. Là. Yusoliani. Naam. Rabi'an, al-Talaba. Jam Talib. الطلبة يصلي نعم يصلي أيوة سي سي تي لا صبول لهم هيا صلي يصلي اه تي لا فيه لا كيف تي باسي كو تي لا رونتري تان سنتي ان اوتر il était là là je sentais le dire là allez الطلبة الطلبة هم يصلون هم يصلون لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الطالبات لكن il n'y a pas de fatha. Sallina. Sallina al-Asr. Naam. Ana. Ana. Usalli. Naam. Al-Asr. Antum. Antum tusallun al-Asr. Al-Muhandisuna. C'est même que tu as là-bas. Al-Muhandisuna. Aïwa. Al-Muhandisuna. Yusallu al-Asr. Yusalluna. Yusalluna. C'est quoi le problème ? Nahnu. Nahnu, nous sommes l'asr. Hum, ah, regarde, trois fois de le même là, mashallah. C'est vraiment. C'est un asbab pour vraiment le réussir celui-là. Allez, vas-y. Hum, nous sommes l'asr. Nous sommes l'asr. C'est le même. C'est le même que tu as là-bas, là, comment on dit ça ? C'est le même, mais pas de différence. Aya, Koul. Oum, yusallu. Non, c'est un lem, c'est pas un nun. Salla. C'est un lem. C'est pas yusallu. Lem. Quoi lem? Toi, t'as dit un nun, toi. À la place du lem, dans le verbe. C'est pas un nun, c'est un lem. Yusallu. Aya. Yusallu. Oum, yusallu. Yusallu, c'est ça? Là, justement, t'as mis. Pourquoi tu mets un nun? C'est un lem, yusall. C'est pas yusall. Yusall, yusall, mais. Ah, t'as pas dit un lem, t'as dit un nun, toi. Yusall nun, t'as dit, toi. Non? Si, c'est pas ce que t'as entendu, toi? J'ai entendu ça. Ah, ouais, entendu un nun. Subhanallah. C'est fait où? Allez, dis-le. Hum, yusall. Mais après, c'est yusall nun. Tu vois, t'as dit un nun encore, là. Yusall nun. Là, pourquoi tu mets un nun avec un lem? Après le lève directement le waouh. Ah, Yusalloun. Yusalloun. Yusalloun. D'où il sort ce noun là? Yusalloun. Allez, range-le. Ce noun là, range-le. Ah. Il a rien à faire là. Hunna. Hunna. Yusalloun. Yusalloun. C'est même que le talibat. Yusalloun. Nam. Enta. Enta. Tu salli? Non. Anti? Anti, tu salli, l'as? Et le 13, je sais pas ce qu'ils veulent. Vas-y, on leur laisse. Ça y est, ben. Salis Achar, 13e mot. Imel Farara, Bikelimat il Mounasiba. Donc là, ça vous trouvez les mots de vous-même et complétez les phrases. Adal Yerazi, Inch'Allah. Nakral le Jumel, Hatanara. أنكم فهمتموها يصلي المسلمون في المؤامر ثانيا يقول الإمام عند الركوع كيف يقول الإمام لو متى الأخص يقول الإمام عند الركوع ومن موقف الركوع كيف يقول ثالثا صلاة فراغ أفضل من صلاة أحدكم فراغ نكو صلاة كذا كذا ميور كلا صلاة de l'un d'entre vous كذا كذا. رابعا المؤذن فراغ للصلاة donc celui qui fait l'appel à la salat la salat. خامسا يقرأ فراغ خطبة الجمعة donc quelqu'un récite la خطبة الجمعة. سادسا فراغ يقفون خلف الإمام donc là وقف يقفون c'est venir se tenir debout là. Donc là il y a Mohamed c'est debout derrière l'imam. سابعا انتهى عبد الله فراغ الوضوء تابعه donc عبد الله a terminé الوضوء. ثامنا استعد محمد الصلاة donc محمد s'est préparé la صلاة. تاسعا ذهب مع محمد و الى المسجد donc محمد et ont été au مسجد مفهوم. Donc, c'était long, mais c'était simple, comme je l'avais dit. Il n'y a pas tout vraiment. Après quelques fois, Oïd, comment est-ce qu'on fait qu'un verbe qui est mortel à rire, celui qui a ya à la fin, comment on fait lorsqu'il y a un Jamara qui vient, ou un Lifalitnen qui vient, ou un Nouniswa qui vient, ainsi de suite. Vous voyez ? Pour demain ? Non, il y en a deux. Je suis là. Nous sommes tous ensemble. Et un, deux, du dernier avant. Bah, c'est ça l'habitude, on en a toujours trois en général. Ouais, mais... T'as l'impression que tu en as beaucoup, mais pas plus que d'habitude. Parce que hier, quand je ne vous ai pas donné, ah, là, c'est rentré dans, comme on dit, la main, on mange le bras. Ah, là, j'ai compris maintenant, Inch'Allah, comment on va se prendre. C'est des mauvaises habitudes, ça. Inch'Allah, on va plus les prendre. Voilà, on a, alhamdulillah, on a.